Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un très beau film avec Édouard Baird. Noé entre en sixième, en même temps qu'il découvre une nouvelle vie et une nouvelle maison dans laquelle il vient d'emménager avec son père Marc. Coaché par son père, Noé assume un entraînement intensif de sport de combat. Et Marc n'hésite pas à le mettre en situation d'attaque. Ils sont en danger. Il doit être prêt à répondre à la moindre agression. Bon, je vous présente Noé qui vient d'arriver. Salut. Tu viens d'où ? Amiens, mon père il a changé de boulot alors qu'on a dû venir ici. Tu sais ce qui est arrivé à sa mère ? Elle est morte dans un accident de voiture. C'est qui ? Il va falloir changer de voiture. Ils sont complices avec les flics, les types qui nous cherchent. Va bien falloir que tu me parles un jour. Quand j'ai rencontré ta mère, ça a tout chamboulé. Tu es né, j'ai voulu arrêter tout ça. On va se cacher, on peut rien dire à personne. Ils sont plus forts que nous. Premier réflexe, c'est un, je me planque. Deux, je réfléchis. Là, t'as réfléchi à quoi ? À rien. Tu viens à mon anniversaire samedi, hein ? Son beau-père est flic, il est hors de question que t'es chez elle. On peut s'attacher à personne. C'est trop dangereux. On va où ? Loin. Je veux pas qu'on parte. Noé ! On recommence à zéro. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Papa ! Noé ! Vas-y, va-t'en ! J'ai besoin de toi. Un monde à nous, un très beau film de Frédéric Balek-Djian avec Édouard Baird, un DVD Fox Pathé Europe 1. Un monde à nous, un très beau film de Frédéric Balek-Djian avec Édouard Baird, un DVD Fox Pathé Europe 1.